إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أيها المسلمون إن لله من أيامه لنفحات وإننا وبفضل من الله جل وعلا نعيش نفحات ذي الحجة هذه الأيام المباركة هذه الأيام المباركة التي أقسم الله عز وجل بها في محكم تنزيله حيث قال سبحانه والفجر وليال عشر هذه الأيام المباركة التي قال في شأنها نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشر قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فنحن في أيام مباركة وهذه نفحات يكرمنا الله عز وجل بها من حين لآخر ليعود الإنسان لمولاه ليتقي الإنسان ربه ليتوب وينوب إليه لأن الحياة كما تعلمون الحياة مطية للآخرة من عمل صالحا في هذه الدنيا يلقاه عند الله عز وجل أجورا كثيرة ومن خاب وخسر في الدنيا فخسارة الآخرة أشد وأعظم والعياذ بالله Je disais, mes chers frères et mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que dans notre vie, il y a des moments, il y a des jours, il y a des mois qui ont plus de mérite que d'autres. Comme c'est le cas pour les hommes, il y a des prophètes qui ont plus de valeur que l'ensemble des humains. Et même parmi les prophètes, il y a des prophètes qui ont été considérés par Allah azza wa jal de Ulul Azm. Et même parmi les Ulul Azm, il y a les deux prophètes, à savoir Ibrahim alayhi salam et Nabiuna Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi, qui ont mérité de la part d'Allah azza wa jal le degré de khilla, l'ami intime. Et même dans ce degré-là, le prophète alayhi salatu salam, Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi, a mérité de la part d'Allah azza wa jal les meilleures valeurs et les meilleurs mérites. C'est aussi le cas pour le temps, al-waqt. Al-jumu'ah, le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Les dernières nuits, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, c'est les meilleures nuits de l'année. Les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, c'est les meilleurs jours de l'année. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il y a des moments dans la vie où on est tous invités à multiplier davantage d'efforts pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. On vient de quitter le mois de Ramadan. Il y a peu de temps. où chacun d'entre nous multiplie les efforts entre le jeûne, les prières de nuit, la récitation du Coran, l'imploration et l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Peu de temps après, c'est les jours de Al-Hajj, où Allah subhanahu wa ta'ala nous invite tous, sans exception, à accomplir l'un des piliers de l'islam, qui est Faridatul Hajj. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Ces 10 premiers jours de Dhul-Hijja, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous évoquait les mérites, surtout quand on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute sa majesté et sa puissance, gère par les 10 jours de Dhul-Hijja, dans Sourate Al-Fajr. والفجر وليال عشر. Les 10 jours, les 10 nuits qui sont cités dans le verset concernent les jours de Dhul-Hijja. De la même façon, le hadith du prophète alayhi salatu wasalam, où il évoque alayhi salatu wasalam qu'il n'y a pas d'acte méritoire qui a plus de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal que pendant ces 10 jours. Ils ont dit au prophète d'Allah, même pas le jihad dans la voie d'Allah Azza wa Jal, aller combattre dans la voie d'Allah Azza wa Jal, il a dit même pas le combat dans la voie d'Allah Azza wa Jal, si ce n'est pour quelqu'un qui a combattu, qui est parti dans la voie du combat avec son nafs, avec ses biens, et il ne retourne de rien avec tout cela. Ayyamu dhul-hijjati ayyuha al-ikhwatu al-kiram, nahnu al-yawma fi yawmin 'azim, innahu yawmu 'arafah. ويوم عرفة شاء الله عز وجل هذه السنة أن يكون يوم عيد أيضا أنه يوم الجمعة فاجتمع في هذا اليوم للأمة عيدان عيد يوم الجمعة وعيد عرفة حيث يجتمع الناس من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد عرفات ملبين سائلين الله عز وجل من فضله وكرمه وخيراته موحدين مهللين مكبرين همهم أن لا ينقضي هذا اليوم إلا وقد نودي عليهم من قبل الحق سبحانه أن يعني انطلقوا فقد غفرت لكم انطلقوا فقد غفرت لكم هذا هم الحجاج اليوم أن يقبل الله عز وجل عليهم ويتقبلهم يتقبلهم الله عز وجل منهم العاصي ومنهم المذنب ومنهم المخطئ وكلنا كذلك ولكنهم تابوا لله عز وجل وأنابوا له سبحانه وعادوا وقرروا بين يديه ذنوبهم فغفر الله عز وجل لهم لذلك جاء في الحديث أن ما من يوم يرى فيه الشيطان أدحر أي أقل شأنا وأضعف منه من يوم عرفة لما يرى من رحمات الله جل وعلا ولما يرى من خيرات الله جل وعلا على عباده إذ يعم الله عز وجل العباد كلهم برحمته فهذا من فضله جل وعلا ومن كرمه. Je disais mes chers frères et mes chers sœurs, on est aujourd'hui al-Jumu'ah. Jumu'ah est en même temps le jour de Arafah. Allah Azza wa Jalla nous a accordé deux fêtes en un seul jour. Le Arafah en lui-même, c'est une fête. C'est une fête, c'est un moment où les musulmans de l'ensemble des continents se dirigent vers Arafat pour implorer, invoquer et solliciter la miséricorde et la clémence d'Allah Azza wa Jal. Les pèlerins là-bas sur place, tous en train d'invoquer, d'implorer, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de se rappeler cette parole d'unicité. Sans exception. Leur seul souci aujourd'hui, c'est qu'à la fin de la journée, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne leurs péchés. Leur dit, rentrez chez vous, je vous ai agréé, je vous ai pardonné. Et Alhamdulillah, que cela arrive un vendredi, qui à la base, oh, c'est la fête des musulmans, c'est le jour de Jumu'ah, de la prière de Jumu'ah, le jour de la rencontre des musulmans, le jour de la khutbah. On est censé tous évoquer, implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc deux fêtes ou un seul jour, cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle le jour du pèlerinage du prophète alayhi salatu wasalam. Notre bien-aimé salawatullahi wa salamu alayhi lam yahujja min al-Madina illa hajjatan wahida. وكانت حجته صلوات الله وسلامه عليه في آخر سنة من حياته، وكانت هذه الحجة حينما صعد عرفة كان اليوم يوم جمعة، فاجتمع عليه عيدان صلوات الله وسلامه عليه. عيد عرفة هذا اليوم المكرم المعظم، وعيد الجمعة هذا اليوم أيضا المعظم المكرم. وقد خطب فيه نبينا صلوات الله وسلامه عليه خطبة جامعة، خطب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك خطبة جامعة، سميت هذه الخطبة بخطبة الوداع، وسميت كذلك بخطبة البلاغ، وسميت كذلك بخطبة الحجة الكبرى أو الحج الأكبر، سميت بخطبة الحج الأكبر لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يحج إلا هذه الحجة، ما حج عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة، وسميت بحجة الوداع لأن فيها اكتمل الدين، في هذه الحجة اكتمل الدين، وأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاكتمل الدين بهذه الآيات البينات. وإذا اكتمل الشيء فلا بد فيه بعد ذلك من نقصان، إذا اكتمل الشيء لا بد من نقصان، وعلم الصحابة رضي الله عنهم ذلك، علم الصحابة لما سمعوا الآية علموا أن الأمر فيه نقصان بعد ذلك، وأول نقصان حدث هو موت سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أي إذا ما اكتمل الدين واكتمل الشرع وانتهى وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام انتهت، فلا بد من أن يرحل صلوات الله وسلامه عليه، وكان الأمر كذلك. وسميت هذه الخطبة أيضا بخطبة حجة البلاغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ فيها أمته وجعلها شاهدة، فكان كلما ذكر أمرا من أمور الدين والدنيا إلا وقال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، فيقول الصحابة رضي الله عنهم نعم، فيقول اللهم فاشهد، يشهد الله عز وجل عليه، فقد أتم الله عز وجل به الدين، وأتم الله عز وجل به النعمة، ورضي الله عز وجل به لنا الإسلام دينا، فهنيئا لمن امتثل أوامره وسار على هديه وسار على سنته وأخذ بطريقه، هنيئا له في الدنيا وفي الآخرة. Mes chers frères et mes chers sœurs, le prophète صلوات الله وسلامه عليه n'a accompli le pèlerinage qu'une fois dans sa vie, de par Médine. À partir de là, où il a reçu la révélation, notre prophète alayhi salatu wasalam n'a accompli le pèlerinage de Médine à la Mecque qu'une seule fois. Et c'était Tazahamu Tarahamu Barakallahu Fikum. Serrez-vous, Barakallahu Fikum. Tazahamu Tarahamu. Les frères sur la tombe, serrez-vous, Barakallahu Fikum. Notre prophète, alayhi salatu wasalam, n'a accompli le pèlerinage qu'une fois. Et l'année où le prophète, alayhi salatu wasalam, a accompli le pèlerinage, c'est arrivé que le jour de Arafa, c'était aussi un jour de Jumu'a. Et ce jour-là, le prophète, alayhi salatu wasalam, a fait une khutbah. Cette khutbah qui est célèbre et qui est surtout connue par Hajjat ou Khutbat ou Hajjat al-Wada, le sermon d'adieu, à travers lequel le prophète alayhi salatu wasalam a transmis un certain nombre de messages. Aujourd'hui, on s'arrêtera uniquement sur cette khutbah et sur ce pèlerinage du prophète alayhi salatu wasalam et sur les termes à travers lesquels on a nommé cette khutbah. Et surtout la dernière partie, Inch'Allah Azza wa Jal. Notre prophète, salawatullahi wa salamu alayhi, quand il a tenu son discours ce jour-là, de Jumu'a et de Arafa, les savants par la suite ont nommé le jour du pèlerinage du prophète, alayhi salatu wa salam, l'ont nommé par trois noms. Le premier, à savoir le serment d'adieu. Le deuxième, c'est le serment de la transmission. Le troisième, c'est le serment du grand pèlerinage. Quant au serment du grand pèlerinage, j'avais rappelé que le prophète alayhi salatu wasalam n'a accompli le pèlerinage qu'une seule fois dans sa vie. Et c'était donc son pèlerinage. Chacun d'entre nous, quand il effectue le pèlerinage pour la première fois, c'est son pèlerinage. C'est son grand pèlerinage. Le reste, c'est des pèlerinages dérogatoires. Mais celui qui est obligatoire dans l'islam, c'est la première fois. Et le prophète, il l'a fait qu'une seule fois. Quant au pèlerinage de transmission, le prophète, alayhi salatu wasalam, alors qu'il faisait son sermon, n'a cessé, à chaque fois quand il leur transmettait un message, de leur dire « Est-ce que j'ai transmis ?» Donc il prenait les compagnons du doigt d'Allah alayhi comme témoin. « Est-ce que j'ai transmis ?» Et les compagnons disaient « Oui, ô prophète !» Il dit « Ya Allah, sois témoin !» Il les prenait comme témoin. Et il prenait Allah Azza wa Jal comme témoin que les compagnons, ils ont de la part du prophète alayhi salatu wasalam, ils ont reçu le message que lui-même il a reçu de la part d'Allah Azza wa Jal. Ya Allah, sois témoin. De la même façon, ce serment, c'est le serment d'adieu. Pourquoi? Parce que pendant ce jour-là, pendant ce jour de Arafat et ce jour de vendredi, le prophète alayhi salatu wasalam a reçu de la part d'Allah Azza wa Jal une révélation qui est Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai terminé pour vous, complété pour vous mes faveurs. Et j'ai accepté pour vous l'islam comme religion. Les compagnons de Ridwanullah, quand ils ont entendu cette révélation, ils ont bien compris que le message, il était complet. Il était terminé. Il était fini. Chaque chose, quand il se termine, il va falloir s'attendre à quoi? À ce qu'il diminue par la suite, à ce qu'il baisse par la suite, à ce qui a été complet, à un moment ou à un autre, va devenir incomplet. Et la première des choses qui va se passer peu de temps après, c'était la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Donc le verset, il annonçait la fin. Il annonçait la fin du message du prophète alayhi salatu wasalam. et que ce que les gens, ce que ses compagnons, ce que ses hommes, ses femmes, ses enfants avaient la possibilité de voir, de discuter, de poser leurs questions, ils n'auront plus la possibilité de le faire. Après la mort du prophète alayhi salatu salam, Abu Bakr est devenu calife. Un jour, Abu Bakr radiallahu anhu, avec Omar radiallahu anhu, ils sont partis visiter ou rendre visite à Umm Ayman radiallahu anha. Umm Ayman qui était l'une des nourrices du prophète alayhi salatu salam. Ils sont tous les deux partis là, lui rendre visite. Et Abu Bakr, il disait donc à Omar radiallahu anhu, allons-y, on va aller rendre visite à Umm Ayman comme le faisait le prophète alayhi salatu salam de son vivant. Ils partent tous les deux rendre visite donc à Umm Ayman. Donc ils commencent à se renseigner auprès d'elle sur sa santé, si elle allait bien. Et à la fin, Umm Ayman radiallahu anhu a commencé à pleurer. Et quand il a commencé à pleurer, parce qu'ils ont évoqué le prophète alayhi salatu salam, parce qu'il a remémoré ces instants, ces moments où le prophète venait lui rendre visite. Il commençait à pleurer, radiallahu anhu. Ils lui disent, « Oh Umm Ayman, pleures-tu, sachant que ce qu'Allah Azza wa Jalla accorde à son prophète est meilleur dans le delà que dans la vie du second monde ?» Il leur dit, « Ce n'est pas pour cela que je pleure. Je pleure parce que le wahy s'est interrompu. In qata'a al-wahy. Cette relation qu'on avait avec Allah Azza wa Jal, qu'il transmettait le message au prophète alayhi salatu salam, et que le prophète lui-même le transmettait à la Ummah, s'est interrompu, s'est arrêté. فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَى فَصَارَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْكِيَانِ بِبُكَائِهِ. Donc il les a poussés à pleurer. Ils ont commencé donc tous les deux, ridwanullahi alayhim, à pleurer. À pleurer quoi? À pleurer le wahy, cette interruption. Donc on est tous invités à travers ce jour d'Arafat de se rappeler ce grand événement où le prophète alayhi salatu salam, face à lui entre 92 000 et 112 000 personnes qui étaient présents lors du pèlerinage d'adieu, qui ont assisté au pèlerinage d'adieu du prophète alayhi salatu salam, qui ont écouté le sermon d'adieu du prophète alayhi salatu salam. فأسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون في خلافة الفاروق رضي الله عنه جاء يهودي إلى الفاروق وما أدراكم من الفاروق عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية أنزلت عليكم معشر المسلمين لو علينا معشر يهود أنزلت لاتخذنا يومها عيدا آية أنزلت عليكم في كتابكم لو علينا معشر يهود أنزلت لاتخذنا من يومها عيدا نحتفل به فقال الفاروق رضي الله عنه ما هذه الآية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام فقال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه فأما اليوم فهو يوم الجمعة وأما المكان ففي عرفة حول النبي عليه الصلاة والسلام والناس يحجون يؤمون بيت الله الحرام فيوم مبارك عظيم نغتنمه بالذكر والطاعة وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وخير ما أخبر الصادق المسوخ، خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا خير ما يقوله الإنسان في هذا اليوم، أن يهلل الله عز وجل ويوحد الله عز وجل، وأن يقول هذه الكلمة الطيبة التي قالها سيد الخلق ومن قبله من الأنبياء والمرسلين. Donc je disais, mes chers frères, quand Omar radiallahu anhu est devenu calife, un jour un juif est venu le voir en lui disant: Ô Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, il y a un verset qui vous a été révélé. Si c'était le cas pour nous, la Ummah des juifs, si ce verset nous a été révélé, on fera de ce jour-là un jour de Eid, un jour de fête. On va célébrer ce jour-là. De quel verset s'agit-il? Donc le juif dit à Omar radiallahu anhu: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. C'est fini, c'est terminé. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Et Omar radiallahu anhu lui dit: je jure par Allah azza wa jal que je connais le jour où ce verset a été révélé, ainsi que l'endroit où il a été révélé. Quant au jour, c'est le jour du Jumu'ah. Quant à l'endroit, c'est à Arafah, alors que le prophète alayhi salatu salam faisait son sermon d'adieu. فلذلك أيها الإخوة الكرام هذه النفحات المباركة اغتنى في طاعة الله جل وعلا ورضوانه. Ces jours propices, on est censé bénir Allah Azza wa Jalla, en profiter dans l'adoration, l'imploration, l'invocation d'Allah Azza wa Jalla. Le reste de la journée, il va falloir implorer, invoquer, demander, solliciter Allah Azza wa Jalla qu'il nous accorde sa miséricorde et sa clémence. Sachant qu'il bénit Allah, comme c'est le cas pour Ramadan, à chaque fois quand il y a un pilier qui est très important, comme Ramadan, As-Sawm, Allah Azza wa Jalla, après As-Sawm, qu'est-ce qu'il nous accorde? Al-Eid. Al-Eid, حيث توزع الجوائز. Le jour de l'Eid, où Allah Azza wa Jalla accorde des récompenses, attribue des récompenses à ceux qui le méritent. C'est aussi le cas pour Dhul-Hijjah. Après donc avoir accompli le pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala accorde quoi? Accorde la récompense. Et la récompense, c'est à travers le jour de l'Eid, où Allah subhanahu wa ta'ala accordera à chacun d'entre nous sa récompense. فأسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق. إن شاء الله صلاة العيد تكون على الساعة 9 بإذن الله. لقيادة بالعيد وغالية أن نبغي إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله أفقانه سوي بإذن الله على الأخ أفقان إن شاء الله عز وجل لقيادة أنا بقرص متي إن شاء الله المثال بسوي بارك الله فيكم على الأخ. أنا أتندي با لا ديرنيير مينيت بور فينيغ. Au contraire, donc on est censé cette nuit donc continuer à évoquer un peu Allah عز وجل. Et demain matin, continuer à évoquer, implorer Allah Azza wa Jalla, Ani bit takbir wa bit tahlil. Toute cette nuit et la matinée, on est censé faire du takbir. D'ailleurs, pendant les quatre jours, le jour de l'Aïd, mais aussi les jours de At-Tashriq, le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul-Hijjah, on est censé, bi'idhnillah Azza wa Jalla, faire du takbir. Et d'ailleurs, c'est la chose qu'on fera après chaque prière obligatoire, mais vous êtes censé aussi donc faire du takbir chez vous. Faire donc le tahlil chez vous, implorer, invoquer. Il va falloir au moins que nos enfants ressentent cette fête. Malgré qu'on ne la vit pas de la même façon que dans un pays musulman, faisons en sorte qu'il y a des conditions qui permettent à nos enfants de vivre, bi'inillah azza wa jalla, la joie de l'Eid. فأسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.